Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Ingénieur en quête de sens, Matteo a fait le choix de quitter une vie professionnelle stable pour se sentir vivre. L'appel du chemin, de la découverte et du voyage ont été les plus forts. Quelques semaines de vacances par an n'ont pas réussi à nourrir ses envies de liberté et de grands espaces. Je l'ai rencontré dans une guest house, puis croisé dans un bus, sur le pont d'un bateau, et finalement, nous avons pris le temps de nous rencontrer et avons voyagé ensemble. L'émission Regarde ailleurs donne la parole à Matteo, cet ingénieur devenu photographe voyageur. C'est souvent comme ça quand on voyage, les gens se suivent, les itinéraires sont des fois les mêmes et on se retrouve dans un bus, on se revoit dans une guest house au matin au réveil et le jour d'après on se retrouve dans le même bus, finalement les liens se créent, on fait un bout de route ensemble. Et toi Matteo, tu voyages avec ta copine Sarah, donc j'ai envie de prendre le temps de te rencontrer. Qui est Matteo? Parle-moi un peu de toi et de ton expérience du voyage. Qu'est-ce qui t'a amené pour la première fois à quitter l'Italie, parce que tu es italien, pour te lancer sur les routes du monde? Alors bonjour ou bonsoir tout le monde, je ne sais pas s'il faut que je me présente comme ça. Je m'appelle Matteo Vegetti, je suis italien et je parle français parce que j'ai vécu pendant pas mal d'années en France. Moi je suis maintenant voyageur full time, mais dans une vie précédente j'étais ingénieur et j'ai fait une partie de mes études à Grenoble. Après avoir fait mon projet de fin d'études en Suède, avoir fait un petit séjour en Angleterre, j'ai bossé pendant 5 ans à Paris. Après ces 5 ans à Paris, vous savez, l'extraordinaire d'une vie ordinaire vécue à l'étranger devient un peu lourd et j'ai commencé à avoir un peu la bougeotte. Je voulais voyager à tout prix. Mais ma boîte m'a proposé un autre poste en Australie, où en fin de compte j'ai accepté et où j'ai passé 2 ans. Mais au bout de ces 2 ans-là, quand il s'agissait de rentrer travailler en Italie ou quelque part ailleurs en Europe, j'ai décidé que c'était venu le bon moment de prendre la route. Et du coup, de l'Australie, j'ai pris un billet aller simple pour le Vietnam. Et du Vietnam, j'ai pris la route pour l'Italie et sans jamais prendre d'avion. J'ai fait tout le chemin à l'inverse jusqu'en Italie. Et ça a été ton premier long voyage, ton premier voyage au long cours? Oui, tout à fait. Parce que comme tout le monde auparavant, j'arrivais à faire mes vacances maximum d'un mois, 5 semaines. Je me rappelle la fois où j'ai pris 5 semaines de vacances, ça me semblait une éternité. Mais pendant ces courts voyages, tu rencontres des gens comme moi aujourd'hui qui font des longs voyages, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Et ça a commencé à me grignoter dedans. Je me suis dit, mais pourquoi ou quand est-ce que je pourrais faire un voyage pareil? Et la solution, c'était de démissionner et de le faire. Oui, du coup, ce voyage en 2010, un cheveu entre 2010 et 2011, c'était ma première longue expérience de voyage. Et là, je fais, après avoir fait d'autres petits voyages plus courts, maximum de 2 mois, là je fais mon deuxième long voyage d'un an aussi. Qu'est-ce que c'est que le voyage? Comment tu définirais ce terme-là? Qu'est-ce que c'est que pour toi voyager ou être voyageur? Ça dépend, parce que à cette question, il y a beaucoup de réponses et beaucoup de définitions. Je peux te donner la mienne perso. Je crois que voyager, c'est de découvrir. Ce n'est pas de faire ses vacances, ce n'est pas d'aller se coucher au soleil. C'est vraiment d'aller à la rencontre d'une culture ou des cultures différentes. C'est l'approche avec les gens, c'est goûter de la nourriture et chercher un peu à comprendre comment vivent les gens dans un contexte culturel complètement différent du tien. Alors là, on est dans des bungalows au bord de la mer ou de l'océan avec un fond un peu musical, je sais pas si vous l'entendez, les mosquées. On est dans un pays musulman, on est en Indonésie, sur l'île du Sulawesi. Et dans le bus, tu m'as surpris à parler la langue locale. Donc chaque fois que tu vas dans un pays, tu t'efforces à apprendre la langue ou comment ça se passe? Comment est-ce que tu as appris l'indonésien? Pas tout le temps. Et je me posais la question justement, quand est-ce que je commençais à apprendre l'indonésien? Je sais pas. Ça arrive pas tout le temps. Ça arrive dans des endroits que je trouve plus intéressants que les autres ou dans lesquels je sais que je vais passer plus longtemps. Et j'ai commencé juste à regarder comment demander les prix de la nourriture au marché ou des légumes. Et j'ai trouvé ce super cours gratos sur Internet. Et voilà, je l'ai trouvé très intéressant, très simple, parce que l'indonésien, quand même, en étant une langue asiatique, écrit avec notre alphabet. Et j'ai commencé. Et ça ne m'a pas servi beaucoup à Bali où tout le monde parle anglais, mais j'ai persévéré. Et ici, quelque peu, j'arrive à me débrouiller. Comment est-ce que tu choisis tes destinations? Alors, ça dépend. Cette fois-ci, notre destination principale était l'Inde. On avait un projet de prévu en Inde et avec ma copine Sarah, qui est anthropologue. On voulait suivre le déroulement d'un festival qui, pendant longtemps, a été interdit par l'administration coloniale anglaise. Et du coup, c'était destination Inde. On a passé 6 mois entre Inde et Bangladesh, qui est un peu usant en termes de voyage, parce que c'est pas toujours simple. Mais au bout de ces 6 mois, on a regardé nos fonds et on a décidé la prochaine destination et on a décidé de rester en Asie. On avait pensé aussi à l'Amérique du Sud, mais il y avait toute une partie de l'Asie qu'on connaissait pas encore, notamment l'Indonésie. Et du coup, on a décidé de venir ici. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Tu disais ingénieur, donc tu bossais pour une boîte qui te permettait de voyager d'ailleurs. Tu passais 5 ans à Paris, 2 ans en Australie, donc tu avais déjà l'occasion de voyager, enfin, ou de vivre à l'étranger. Qu'est-ce qui a fait que tu veuilles aller plus loin dans la découverte des cultures ou la découverte de l'autre? Ou pourquoi est-ce que tu as lâché ce travail qui était peut-être aussi une certaine forme de sécurité? Ce que pas mal de gens recherchent aujourd'hui, c'est la sécurité. Tout à fait. J'avais un travail qui me permettait une bonne vie. Un travail qui me permettait de voyager, un travail qui m'a permis de vivre à l'étranger pendant de nombreuses années. Mais au bout d'un moment, je t'ai dit, le côté extraordinaire d'une vie ordinaire, doucement, se tarit. Et du coup, j'ai trouvé plus beaucoup de sens dans ce que je faisais au quotidien. Et je me suis projeté dans le futur dans 20 ans et je me suis posé la question, est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais faire de ma vie si je vais garder ce poste pendant 20 ans? Et ce que j'ai vu, ça m'a pas forcément plu. La réponse était probablement avoir plus d'argent, devoir s'acheter une maison ou avoir une plus grande voiture que les autres, peut-être faire une belle carrière parce que j'avais déjà bien démarré, mais j'ai découvert que ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Il y avait un côté de moi qui démangeait, qui avait cette envie de découvrir des choses différentes, et à ces rythmes-là, j'aurais pas pu attendre ma retraite pour pouvoir le faire. Du coup, j'ai décidé de partir. Et lors de mon premier voyage, j'avais pas forcément l'idée de changer de vie complètement. Je voulais faire un voyage pour faire une expérience que jusque-là je n'avais jamais fait. Et c'est justement lors de ce voyage-là que j'ai commencé à penser qu'une autre vie était possible. Et me voilà aujourd'hui. Pendant ce voyage, j'ai développé une passion qui était celle de la photo. C'était une passion déjà avant, mais j'ai compris que peut-être avec la photo, je pouvais gagner ma vie. Et aujourd'hui, j'ai fait et de la photo et de la vidéo. Je gagne un tiers de ce que je gagnais avant, mais je suis beaucoup plus libre et je suis beaucoup plus content. Avant de parler de ta nouvelle vie, donc de photographe et de vidéaste, réalisateur, j'ai envie de savoir comment est-ce que tes choix ont été perçus par ton entourage. Parce qu'encore une fois, tu as fait le choix de quitter une position confortable, un avenir tout tracé, où tu aurais pu t'installer, acheter ta maison, ta voiture, faire ta famille. Maintenant, tu as renoncé à ça. Et quel est le regard des parents, de la famille, par rapport à ce schéma éducatif que beaucoup de parents souhaitent pour leurs enfants ? Tout à fait. Il y a le regard des amis et le regard de la famille. Le regard de la famille, c'était lourd à gérer au départ. Notamment celui de ma mère qui avait investi dans cette formation d'ingénieur, qui me voyait tranquille dans mon poste. Et c'était dur pour elle d'accepter ce choix de vie. Entre-temps, les amis, les collègues et autres, ils étaient très contents pour moi. Et je ne dirais pas qu'ils avaient envie de faire la même chose. Quelque part, je trouve que tout le monde a envie de faire la même chose, mais pas beaucoup de gens ont le courage de le faire. Et ce que je ne comprends pas vraiment, c'est que le bonheur est là. Et c'est pas difficile à saisir. Je veux dire, si l'on quitte son boulot demain et si on profite de la vie, il y aura toujours la chance de faire quelque chose avec sa vie après ça. Mais au moins, on aura satisfait cette envie que beaucoup de monde a et que très peu de gens arrivent à suivre. Oui, ça revient quelque part, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Toi, tu t'es donné les moyens d'y arriver, de vivre ces rêves-là, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes, tu disais, tout le monde aurait envie de le faire, mais tout le monde ne le fait pas. Comment est-ce que tu expliques que certaines personnes sont limitées ou bloquées ou ne franchissent pas le pas de réaliser son rêve, le tien qui était de voyager ? Bah alors, moi, je dois admettre que j'ai eu de la chance quand même, parce que j'avais un bon poste, je suis arrivé à mettre de l'argent de côté, et ça m'a permis de voyager la première fois. Après, tout le monde peut pas permettre de le faire, se permettre de le faire. Il y a certaines situations familières qui doivent être gérées au quotidien et qui ne peuvent pas permettre aux gens de voyager. Mais je vois beaucoup de jeunes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas un travail sérieux, qui préfèrent gâcher leur vie en achetant une grosse voiture ou des francs de marque plutôt que d'investir dans des expériences. Et ça, je trouve un peu triste. Enfin, je ne veux pas donner la faute au système, mais on est un peu quand même victime d'un système qui nous impose la surconsommation et cette envie d'apparaître. On est quelque peu on est parfois ce que l'on a, du moins dans la mentalité des gens. Et à mon avis, on devrait s'écarter de ce système et être ce que l'on est. À quel moment tu as nourri cette réflexion ? À quel moment tu t'es dit « bon, bah, je veux plus de cette manière-là, j'ai vraiment envie d'aller au-delà » Et puis tu parlais d'une vie différente est possible. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur qui t'a dit « bon, bah, ça y est, maintenant je vis ma réalité » Tu sais bien, quand tu voyages, tu rencontres beaucoup d'expériences. Je ne sais pas s'il y en a une qui m'a formé plus que l'autre. C'était une série d'expériences qui toutes sommées, font que je suis arrivé à cette décision. Mais souvent, dans notre vie, il est aussi difficile de prendre une décision. Et moi, j'ai eu la chance à un moment donné de me trouver dans un monastère en Syrie. Le monastère de Marmoussa qui est devenu je ne sais pas quoi pendant la guerre, où il y avait une ambiance très relaxée, très calme, et on pouvait sereinement méditer dans le désert, dans le silence le plus absolu. Et c'est là que tu es effacé à tes pensées, tu peux pas y échapper. Tout d'un coup, toutes ces questions que je m'étais posées auparavant se sont représentés à moi, et j'ai décidé que, bon, en ayant eu quelques commentaires positifs sur mes photos, je pouvais tenter ma chance. J'avais encore de l'argent de côté, et ce qui a fait que j'essayais. Pour moi, ça aurait été très simple de retrouver un boulot dans mon domaine et de reprendre le chemin que j'avais abandonné, mais j'essayais de faire quelque chose de différent. Je trouve que tout le monde qui ne vit pas des situations familiales difficiles ou à des enfants soignés ou des parents âgés ou à n'importe quoi, a la possibilité de le faire. Enfin, c'est pas une vie extraordinaire, en fin de compte. Avant de m'intéresser un peu à ce nouveau modèle économique que tu essaies de mettre en place pour pouvoir continuer à voyager tout en gagnant ta vie, je veux revenir sur ton expérience en Syrie. Donc tu étais en Syrie dans un monastère développe un petit peu bouddhiste. Non, c'était un monastère chrétien. Comment tu t'es retrouvé là-bas en Syrie, dans ce monastère ? C'était le hasard. Comme tu disais dans ton introduction, on se voit, on se rencontre, on commence à parler. Et un autre voyageur que j'avais rencontré au Liban m'avait parlé de ce monastère. Géré par un frère italien, le père jésuite Paolo Dall'Oglio, qui avait rebâti ce monastère à partir des années 80. Et il l'avait transformé dans un endroit où islam et catholicisme se rencontrent. Je ne sais pas, parce que malheureusement, Padre Paolo Dall'Oglio a été ravi par ISIS il y a 4 ans de cela. Et on n'a plus de ces nouvelles. Quand même, ce monastère avait été rebâti par Padre Dall'Oglio et il était devenu un lieu de rencontre exceptionnel où gens de tout le monde venaient pour y passer quelques temps. Moi, j'étais simplement curieux au départ, j'y suis allé. C'était dans un endroit magnifique à la fin d'une vallée dans le désert où à côté de cette petite église avec des fresques très anciens. Les jésuites avaient rebâti tout un complexe où les gens pouvaient se loger gratuitement en échange de quelques petits boulots. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais piqué les mégots de cigarettes que les gens avaient jetés par la fenêtre du couvent. Et du coup, là, dans ce lieu qui sont un peu le berceau du christianisme, parce que du catholicisme, où a priori même Jésus aurait médité dans ses grottes, je retrouvais un peu les réponses à mes questions. Mais ça aurait pu être n'importe quel autre endroit, mais cet endroit-là était vraiment particulier, un lieu de rencontre entre catholicisme et islam, qui est devenu je ne sais pas quoi, probablement détruit par ISIS. Et Père Paolo Dall'Oglio a été vu la dernière fois à Raqqa il y a 4 ans de ça, et on n'a plus de ses nouvelles. ما جات وقلت روت ست تساتك نتدي لما فنسي النفوس أرتي لا لنا سلتكوي هي النفوس أرتي لا لنا سلتكوي مساعد لتنين مساء كل انت نار ورهي جر وتفوق تشمر يا ضو تند نشمر فقد تفوق يا ضو تند نشمر فقد تفوق. Tu disais, la méditation t'a permis de répondre à tes questions. Quelles étaient les questions et quelles ont été les réponses? La question était, est-ce que tu veux retourner à ta vie d'antan ou est-ce que tu veux essayer de faire quelque chose avec ta vie? Moi, je n'ai pas la prétention de devenir fameux ou riche ou je ne sais pas quoi. Mais je voulais faire quelque chose de sensé avec ma vie, honnêtement. Et je trouve que de travailler en tant qu'ingénieur dans une grosse boîte automobile en faisant une belle carrière, ce n'était pas la bonne réponse à cette question. Je voulais, en quelque sorte, créer un impact. Du moins dans mon petit entourage ou vers les personnes que je pouvais rencontrer. Du coup, je pousse les gens à voyager, je pousse les gens à voir que notre vie a un impact sur la vie des autres, notamment ceux des pays lointains que l'on connaît pas forcément. De considérer qu'on ne vit plus dans les années dorées de nos parents, mais tout ce que l'on fait aujourd'hui a un impact sur quelqu'un d'autre, pauvre ou qui n'a eu les mêmes moyens que nous, nous occidentaux. Qu'est-ce que le voyage t'apprend, t'apporte? Qu'est-ce que tu vois en voyage et qu'est-ce que tu as envie de partager? Le voyage, ça m'aide à me remettre en question continuellement. Parce que quand tu voyages, tu fais ces belles expériences et t'apprends beaucoup de choses. Mais tu les oublies aussi vite quand tu rentres dans ta vie aisée en Italie, au cas échéant, avec ta bonne nourriture, tes services, tous tes conforts. Et pour moi, donc, c'est important de continuer à travailler pour ne pas oublier les choses que t'as pris pendant le voyage. Autre chose dans ce voyage, on s'est arrêté aujourd'hui au bord de la route pour manger et tu es végétarien. Pourquoi? Comment est-ce que tu es devenu végétarien et comment est-ce que tu arrives à concilier ce régime alimentaire avec le voyage? Où des fois, justement, dans certains pays, il n'y a pas une abondance comme on peut avoir en Europe où c'est facile de faire des choix alimentaires et équilibrer son alimentation. Ici, c'est essentiellement du riz et des légumes, mais il n'y a rien d'autre pour vraiment équilibrer. Tout à fait. L'être végétarien, pour moi, ce n'est qu'une continuation de mon développement, de quelque sorte. Je trouve qu'aujourd'hui, la consommation la surconsommation de viande et de poisson est l'une des causes primaires de pollution et de manque d'eau dans certains pays. Et du coup, pour moi, c'est important d'un point de vue éthique d'être végétarien. Après, c'est certainement un problème du premier monde, parce que je ne veux pas imposer mon être végétarien à des populations qui vivent avec leur brebis et leur petit cochon qui tue une fois par an. Mais du coup, ça devient un peu difficile de voyager en étant végétarien. En Inde, c'était très simple. Dans d'autres pays aussi, on peut s'arranger un petit peu. Ici, en Indonésie, en dehors de Bali, conquéri par les Occidentaux, c'est parfois difficile. Et oui, parfois, il faut se retenir et manger du riz avec de la sauce soja et un peu de légumes, quand on a de la chance. Sinon, c'est du riz et c'est tout. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Mathéo, tu as fait le choix de changer de vie, ingénieur de formation. Un jour, tu t'es dit, suite à des expériences de vie, je vais prendre la route et je vais vivre mes rêves, ma réalité. Se pose la question donc, du modèle économique. Tu me disais que ta passion était la photo, la vidéo. Donc, comment est-ce qu'on devient photographe voyageur? Est-ce que c'est possible? Parce que ça fait rêver finalement plein de gens aimeraient pouvoir changer de vie. Alors, à travers ton expérience, est-ce que ce changement de vie est facile ou comment ça se passe et où est-ce que tu en es dans cette transition? Ça, c'est une bonne question, mais ça, c'est la question que moi, je devrais te poser. Alors, moi, je me débrouille. Disons que avec la photo de voyage, je ne fais pas beaucoup d'argent. Mais dans mon cursus, au bout d'un moment, j'ai compris qu'avec la vidéo, c'était un peu plus simple. Et c'est un peu plus simple et c'est un moyen un peu plus direct pour expliquer certaines choses. Et c'est aussi un moyen avec lequel j'arrive à travailler mieux avec ma copine Sarah, qui est anthropologue, et avec laquelle on arrive à développer des projets ensemble. Lors de ce voyage, on a fait des petits reportages pour une télévision italienne sur des minorités ethniques en Inde. Et on a développé différents projets de documentaires. Mais c'est quand même un pari à chaque fois. Parce que, à part cette première série qui avait été commissionnée, les autres, c'est des documentaires que l'on développe autonomement. Et on ne sait pas jusqu'à la dernière minute si on va les vendre, si on va gagner des prix à des festivals ou si on va y faire de l'argent. Après, et là, je dois avouer que l'on rentre aussi parce qu'on n'a plus d'argent. Et il faut dénicher un boulot quelque part en Italie, dans le commercial. J'ai la chance d'avoir un bon réseau de contacts en Italie et j'espère pouvoir réaliser quelque chose, quelques travaux dans les mois qui suivent. Autrement, ça va être du riz en Italie aussi. Réaliser quelques travaux, travailler pour refaire d'argent avant de pouvoir repartir ou bien plutôt se poser cette fois? Oui, on aimerait bien. Peut-être pas voyager pendant une année entière, mais notre rêve est quand même de voyager 6 mois et de rester 6 mois à la maison. Si l'on travaille pendant un an, ça devient très dur de maintenir certains rapports avec la famille, les amis, mes habitudes aussi, les mauvaises comme les bonnes. Et du coup, oui, on cherche cette balance. Pouvoir voyager la moitié de l'année et rester à la maison une autre partie de l'année sans se gratter l'estomac, mais en faisant tous ces travaux qui sont nécessaires après avoir filmé, le montage, le son et tout, pour réaliser les documentaires que l'on a essayé de réaliser pendant le voyage. Et donc la photo et la vidéo permettent aussi de donner du sens à ton voyage, hein, de travailler sur un projet, sur une idée, sur quelque chose qui pour toi a du sens. Oui, tout à fait. Si ce n'était pas pour la photo ou notamment pour la vidéo, je ne pourrais pas faire du tourisme pendant un an. Ça, je trouve qu'au bout d'un moment, ça n'a pas beaucoup de sens. On remplace le travail en boîte, costume cravate, avec un autre en short, ce qui est celui du touriste, mais c'est pas très très enrichissant. Tu as quel âge? J'ai 38 ans. Et la suite? Et la suite, ben on verra bien. La suite, on a beaucoup de projets avec Sarah. On vient d'écrire un court-métrage de fiction, cette fois-ci, que l'on espère réaliser en 2016. Et après, repartir, peut-être l'Afrique, peut-être l'Amérique du Sud. On n'est pas ancré à l'Asie. Et bon, j'aimerais bien revenir en Indonésie pour montrer aux gens mes progrès avec l'Indonésien. Mais autrement, on est des âmes libres. Un site internet ou quelque chose pour voir tes travaux? Bien sûr, merci de demander. Vous pouvez voir mes photos sur mon site perso matteovegetti.com ou autrement voir le site que Sarah et moi on a fondé récemment qui s'appelle silentstorm.com, silent-storm.com, où il y a pas mal des travaux que l'on a réalisés en termes de vidéos. Makasi Makasi Scali. Merci à toi, Mathéo.